Portrait d'assaut sur Fadjet. Direction Varangéville pour la découverte d'une jeune association, c'est les Jardins du Papy, une association qui mêle le maraîchage en agriculture biologique et un chantier d'insertion. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Nathalie Banse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de culture donc à l'association Les Jardins de Papy et vous partagez cette tâche avec Héloïse, c'est ça? Tout à fait. Et Héloïse qui n'est pas là, mais qu'on salue bien entendu. En studio, nous avons aussi Lily Rose. Bonjour Lily Rose. Bonjour. Qui est en stage 3e à la radio et qui pourra intervenir si elle le souhaite. Alors, les Jardins du Papy, une jeune association, ça a commencé quand cette aventure? Alors, ça a commencé au tout début, il y a 2 ans. Et le temps de trouver des terrains, de trouver comment on fait concrètement, il a fallu attendre encore une année, donc décembre 2022. Oui. Donc, on commence effectivement sur ce terrain à Varangéville. Alors, les Jardins du Papy, qui est ce papy? Le papy, c'est Jean-Luc Bastien et 2 collègues à lui qui ont souhaité à la retraite s'investir en faveur de l'insertion. Et de l'environnement également. Et ils étaient dans ce domaine d'activité avant? Absolument pas. Il y avait donc dans ce trio un chef d'entreprise, ouais, un expert comptable et un enseignant de l'université. Et vous l'avez rejoint comment cette association, Nathalie? Par une rencontre, par le hasard de la vie. Moi, j'étais en reconversion professionnelle depuis un certain temps déjà et à la recherche d'un travail dans le maraîchage. Donc, je viens du social et ce projet, finalement, correspond à mon ancienne vie professionnelle et à ma reconversion. Parce qu'il y a effectivement un chantier d'insertion depuis le début, donc ça a été une volonté à la création de l'association. Tout à fait. La base du projet et des statuts de l'association, c'est l'insertion. Le maraîchage biologique, c'est le support, le chantier finalement qui permet de créer le travail pour ses salariés. Combien de salariés aujourd'hui avez-vous? Aujourd'hui, nous sommes montés à 12. On a commencé à 4 salariés en insertion. Ils sont 12 actuellement. Dans la création aussi, ce n'est pas forcément évident de créer une association, encore plus de monter une petite entreprise comme ça, avec des salariés, tout ça. Ça a été simple ou pas? Non. Forcément? Non. Et finalement, la difficulté n'était pas forcément là où on l'attendait. Ouais. Ça a été dans des retards toute l'année dernière, que ce soit dans le forage pour avoir de l'eau, qui a pris 2 mois de retard, dans les démarches pour avoir nos toutes premières serres, qui ont pris 2 mois aussi. Toute l'année dernière a été soumise à des aléas finalement d'entreprises extérieures et qui ne nous ont pas permis de réaliser l'année que l'on attendait. Donc vous avez trouvé aussi bien sûr un terrain, donc c'est à Varangéville? Alors c'est Chemin de Prédieu à Varangéville, c'est le chemin qui longe la Meurthe, qui fait donc la frontière entre Saint-Nicolas et Varangéville. On nous voit, il y a un grand panneau que l'on voit quand on est sur la D400. Alors, pour la première année vraiment de fonctionnement? Une vraie année de fonctionnement, on a commencé en décembre 2022. Donc, on a commencé par nettoyer le terrain, puisqu'il y avait des vieilles serres horticoles cassées, donc du verre partout sur le terrain. 3 bennes de 30 mètres cubes de déchets à évacuer. Voilà, on s'est bien amusé au départ. Et après, tout installer. Faire un forage, installer le réseau d'irrigation, installer les 2 premières serres et en même temps lancer les semis, les plantations, les ventes, tout en même temps. À l'échelle d'une serre comme ça, dans le maraîchage, une année, c'est très court. On a déjà un recul sur la qualité des produits, sur le fonctionnement, si c'est le bon endroit, tout ça. On a des clients qui sont très contents, ouais, de nous trouver. On a des retours. Alors, c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur, surtout quand on est très fatigué. Des enfants qui viennent et qui nous disent « Ah, ben, j'aimais pas les légumes, mais en fait, les vôtres, ils sont bons. » Et ça, c'est chouette. C'est vraiment des choses... voilà, ce sont les retours clients qui font que c'est sympa. Et Varangéville, c'est très, très bien situé, puisqu'on est entre Varangéville, Saint-Nicolas. Il y a Dombasle aussi juste à côté. Et de l'autre côté, on a bien sûr Nancy et son agglomération. Donc, il y a du monde sur ce secteur. Pour revenir sur le chantier d'insertion, vous avez dit 12 de salariés. Alors c'est quel type de contrat et est-ce que ça a été facile de recruter aussi? Sur les contrats, ça s'appelle des CDDI insertion, donc contrat à durée déterminée d'insertion. C'est très normé. Ce sont des contrats de 4 mois qui peuvent être renouvelés dans la limite maximum de 2 ans. On est sur des contrats de 26 heures semaine. Le but, c'est que ces personnes qui sont éloignées de l'emploi pour des raisons diverses et variées puissent travailler sur leur projet pendant cette durée de maximum 2 ans et repartir soit sur une formation, soit sur un emploi, on dit classique. Donc au moins CDD de 6 mois, le mieux étant bien sûr un CDI. Et donc pour cela, elles sont accompagnées par l'association Entraide Chômeurs qui donc travaille avec elles pour lever tous les freins au retour à l'emploi classique. Cette partie chantier d'insertion, le maraîchage et les projets, bien sûr, et l'évolution des Jardins du Papy qui sont bien présents. Même un Hello Asso qui a été lancé pour permettre la création de 2 autres serres, c'est ça? Et pourquoi alors? Pourquoi 2 autres serres? Nous sommes en Lorraine. Et oui. Et je crois que dans cette phrase, tout est dit. Là, actuellement, nous avons 2 serres. Et pour les besoins, on va dire, financiers, cette année, nous avons cultivé donc des tomates, des poivrons, des aubergines. Il faut savoir qu'en agriculture biologique, il y a une obligation. Et même si ce n'était pas écrit en tant que tel, on est de toute façon, la nature nous oblige à faire des rotations de culture. Sinon, les maladies s'installent, le sol s'épuise et ça ne marche plus. Et on part donc dans les traitements conventionnels. Sinon, soit on est en bio, on fait des rotations, soit on n'est pas en bio. On n'a pas, vraiment pas le choix. Donc nous, dès le départ, on s'est dit 2 serres, ça ne nous suffit pas, sachant qu'il y a quand même du monde, beaucoup de charges à payer chaque année. Donc on a fait ce choix la première année, on a tout mis en tomates et on s'est rendu compte, mais c'était sûr, on le savait, qu'à l'automne, on a enlevé les tomates en novembre, c'était déjà trop tard pour semer les légumes d'automne. Donc bien on n'a quasiment pas de légumes d'automne. Et le problème sera le même au printemps. Si on sème des légumes de printemps, par exemple des carottes primeurs, on les récoltera vers mai. Mais en mai, il faut déjà avoir planté les tomates. Donc, on est obligé d'avoir 2 serres supplémentaires pour les rotations, pour avoir des légumes plus tôt, plus tard. Et aussi, dernière caractéristique, parce que nous sommes en insertion. Ce qui signifie que le maraîchage, nous, c'est toute l'année, c'est 12 mois dans l'année. Contrairement à un maraîchage classique où, en général, décembre, janvier, on travaille beaucoup moins. Donc, les serres nous permettent de prolonger le travail plus longtemps dans l'année et de le commencer plus tôt au printemps. Une vraie utilité pour ce projet de création de serres. Aujourd'hui, donc, c'est une page Hello Asso. Comment ça fonctionne? Comment on peut vous aider aujourd'hui? Tout simplement, il suffit d'aller sur la page. Vous pouvez taper dans le moteur de recherche, c'est plus simple, Hello Asso et les jardins du papy, papy avec un i, parce qu'il y a parfois des erreurs et ça joue. Et puis d'aller voir, donc on explique, il y a une petite vidéo où on explique très rapidement le pourquoi des serres. On vous montre aussi le jardin, à quoi il ressemble aujourd'hui. Enfin, cet été, les vidéos ont été prises cet été. Et voilà, il suffit de voir. Donc, on a prévu plein de contreparties sympas, notamment des paniers de légumes, mais pas que. Il y a aussi des stages de jardinage, des conseils, enfin, on peut faire plein de choses, et même plus encore que ce qui est écrit, finalement. Voilà. Et pour celles et ceux qui voudraient découvrir aussi, est-ce que vous faites des visites ou alors lors de vente aussi Bien sûr, il y a plein de personnes qui sont venues. Pendant les ventes, c'est plus compliqué, puisqu'on a la caisse, on a la balance et on est un petit peu moins disponible. Après, il suffit de nous contacter. Donc, je peux laisser le numéro de téléphone. On peut laisser le numéro de téléphone, vas-y. Donc, c'est le 07 85 01 33 90. On a aussi une page Facebook, Les Jardins du Papy, une adresse mail, lesjardinsdupapy@gmail.com. Donc, il ne faut pas hésiter. Après, c'est l'hiver, il faut mettre les bottes et c'est moins joli qu'en été. Bien sûr, on retrouvera toutes les coordonnées sur le site de la radio aussi avec le podcast de cet entretien. Est-ce que vous avez d'autres projets aussi pour l'année 2024? On a bien sûr parlé des serres, mais peut-être d'autres idées, j'imagine, dans les têtes. Oh oui. Nos 2 gros objectifs, c'est effectivement les serres et de trouver d'autres terres. En fait, c'est de s'agrandir de façon générale. On a besoin de plus pour équilibrer nos comptes, notre budget. Donc, on recherche activement des terres. On a plein de pistes qui ne débouchent pas toujours concrètement, mais on continue de chercher parce qu'on n'y arrivera pas sur le terrain qu'on a actuellement. Et dans l'aide aussi qu'on peut vous apporter, est-ce que vous cherchez des bénévoles en plus? On ne recherche pas activement de bénévoles, mais si une personne a envie de jardiner, si voilà, s'il n'y a pas de... avec plaisir, nous, on accueille... Eh ben, on n'hésite pas à vous contacter avec toutes les infos qu'on retrouve aussi sur le site et sur les réseaux sociaux. Un dernier mot peut-être, Nathalie, sur cette première année, sur votre vécu, cette réorientation, cette nouvelle aventure que vous avez débutée il y a un an. Eh ben, je dirais que c'est une aventure assez incroyable. Elle mêle l'humain, la nature. Dans tout ce qui est pensé dans ce projet, on est vraiment sur la notion de respect. Respecter l'être humain, respecter nos sols, respecter l'eau, se respecter soi-même en faisant quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien, respecter la santé, puisque du coup on a des produits qui n'ont aucun produit, aucun traitement, absolument aucun. Et donc cette notion de fierté, quand on quitte le travail, même si on est fatigué, qu'il est tard, et ben voilà, ça n'a pas de prix. C'est toutes les valeurs des Jardins du Papy. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. C'était Portrait d'Asso sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.